réalité, un ex sous l'eau. Plus le voisinage, je savais qu'il a trompé, retrompé, bébé. Plus le voisinage, je savais qu'il a trompé, retrompé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à me vider. En plus de ça, je m'écris à vide. Donc c'est vrai ce que les gens disent. Quand tu me l'as mise à l'envers, j'ai mal aux ovaires. Docteur, dis-moi comment je peux l'enlever. Est-ce que tu sais que ça fait mal? Est-ce que tu sais ce que je subis? Moi je te souhaite le malheur. En plus tu m'as pris ton rubis. Des grammes de médicaments sur la table étalée. J'suis dans le malheur, tu le savais. Tu me demandes pardon mais tu constates que le mal est fait. J'suis dans le malheur, tu le savais. Regarde-moi, je ne fais tousser. Regarde-moi, je ne fais tousser. Ah, j'suis malade. Oh, oh, j'suis malade. Oh, oh, j'suis malade. Oh, oh, j'suis malade. Donc c'est vrai ce que les gens disent. Quand tu me l'as mise à l'envers, j'ai mal aux ovaires. Docteur, dis-moi comment je peux l'enlever. Malade.